إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. On continue avec notre livre Al-Hujjaj Al-Qawiyya ala anna wasa'il ad-da'wa tawqifiyya. Chapitre Kamal al-Shari'a. Al-Shari'a al-Islam Shari'a kamila min kulli wajh la naqsa fiha ولا قصور. La législation de l'islam est une législation complète de toutes parts. On y trouve ni manquement et ni défaut qui va amener à ce manquement. يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن هذه الحقيقة الثابتة في سورة المائدة الآية 3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ce jour où j'ai complété pour vous votre religion, où j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai complété pour vous vos bienfaits, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. فَمَا مِنْ شَيْءٍ تَحْتَاجُهُ الْأُمَّةُ فِي حَاضِرِهَا وَمُسْتَقْبِلِهَا إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيَانًا تدرك الأمة من خلاله حكمه من حل أو حرمة. Donc chaque chose dont la communauté a besoin dans le présent et le futur, Allah subhanahu wa ta'ala l'a montré clairement. Et cela permet à la communauté donc de savoir à travers donc cette chose-là, à travers cela, son décret religieux en ce qui concerne ce qui est licite ou ce qui est illicite. وَهَذَا الْأَصْلُ مُقَرَّرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بما لا يدعو مجالا للشك أو الارتياب وقد اجتمعت الأمة على ذلك. Cette base est instituée dans le livre et dans la sunna. Et cela donc ne permet pas de laisser la place au doute. Car la communauté donc musulmane s'est unie face à cela, c'est-à-dire qu'il y a consensus pour le dire que donc la religion est complète. Allah Ta'ala ma farratna fil kitab min shay'in. Sourate Al-An'am, al-aya 38. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction relative, nous n'avons rien omis dans le livre. Nous n'avons rien omis dans le livre. Wa qala ta'ala, wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana li kulli shay, wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. nous avons descendu ou sur toi le livre explicite sur toute chose et guidé et miséricorde et bonne annonce pour les musulmans. Sourate An-Nahl, verset 89. وقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا سورة الإسراء verset 12. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit et chaque chose nous l'avons détaillée. Donc nous avons détaillé chaque chose. وقال تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Donc certes, vous est venu notre envoyé qui vous explique clairement beaucoup de choses qui vous sont cachées dans le livre. Et il pardonne énormément. Et certes, il est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. Avec ce livre, Allah guide celui qui suit son agrément dans les voies de la paix. Il le fait sortir des ténèbres vers la lumière avec son accord. Et il les guide vers la voie droite. وأنكر تعالى على من لم يكتفي بالوحي عن غيره فقال تعالى أولم يكفيكم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة ولذكرى لقوم يؤمنون. رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. سورة العنكبوت الآية 51. Allah subhanahu wa ta'ala donc dénigre et réfute réfute celui qui ne se suffit pas de la révélation en prenant autre. Allah dit ne vous suffit-il pas que nous avons descendu sur toi? Ne leur suffit-il pas que nous avons descendu sur toi le livre qui est lu sur eux? Certes, il y a en cela une miséricorde et un rappel pour les peuples qui croient. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذين بين أيديهم وتفصيل كل. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين أيديهم وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يوسف 111. Donc ce n'est pas une parole qui est donc inventée, donc faussement, mais en réalité une véracité qui est entre ses mains et une explication pour toute chose et une guidée et miséricorde pour les peuples qui croient. وَقَالَ تَعَالَى أَلِفْ لَامْ رَا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إبراهيم الآية 1. Donc Allah dit Alif Rama Lamra, un livre que nous avons descendu vers toi afin que tu sortes les gens des ténèbres vers la lumière par la permission de leur Seigneur vers la voie du puissant et du louable. وقال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون الأعراف verset 52. Certes, nous sommes venus à eux avec un livre que nous avons détaillé avec science et guidé, avec science, guidé et miséricorde pour les peuples qui croient. وقال تعالى ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين أيديهم وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يوسف 111. Donc on revoit ce que ce verset donc, est revenu ici encore. Alors, il était un autre verset, mais ici, donc, il y a une erreur dans l'imprimerie du verset face à celui qu'on avait auparavant. Une erreur d'imprimerie ici dans le livre, dans ce qui concerne le verset. Donc, il y a dans leurs histoires, il y a donc dans leurs histoires une leçon pour ceux qui sont d'où est l'intelligence. Et ce n'est pas donc une histoire qui a été inventée, mais plutôt une réalité qui est entre ses mains, expliquant toute chose et guidée et miséricorde pour les peuples qui croient. Ou pour le peuple qui croit. وَقَالَ تَعَالَى أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إليكم الكتاب مفصلا الأنعام 114. Allah dit: est-ce autre qu'Allah que je désire comme juge, alors que celui qui descend vers vous, donc le livre, en expliquant toute chose, donc le livre de façon détaillée. Et Cheikh Ibn Taymiyyah rahmallah dit dans Dar al-Ta'arud al-Aql wa al-Naql: wa mithlu hadha fil Qur'an kathirun mimma yubayyin Allah fihi anna kitabahu mubayyanun wa mubayyinun lilladhi lid-din kullih muwaddahun li sabil al-huda kafil liman ittaba'ah لا يحتاج معه إلى غيره يجب اتباعه دون اتباع غيره من السبل. Donc comme cela, c'est-à-dire comme ces exemples que l'on a vus avec tous les versets cités auparavant dans le Coran, il y en a beaucoup. Donc ce genre d'exemple dans le Coran, il y en a beaucoup. Qui montre clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a clairement détaillé la religion complètement. En expliquant, donc avec et en montrant clairement et explicitement les voies de la guidée. Suffisante pour celui qui suit. Et il n'y a pas besoin d'autre que ces voies. Une fois que ces voies sont montrées, il n'y a pas besoin d'autre que cela. Il est obligatoire de suivre ces voies sans suivre autre que cela parmi les voies. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمهم لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. Et il est mentionné dans l'authentique de Muslim, hadith rapporté par Abdallah ibn Omar, radhiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: donc, toutefois qu'Allah a envoyé un prophète, donc il était de son devoir de montrer à la communauté ou à sa communauté le bien et leur a enseigné. Et tu leur as justement interdit le mal. Et leur a aussi montré ce mal. وأخرج البغوي في شرح السنة عن زيد اليامي وعبد الله عبد الملك ابن عمير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وإنه ليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا قد نهيتكم عنه الحديث. Donc l'imam al-Baghawi. Donc mentionne dans Sharh Sunna le hadith donc de Zayd al-Yami et Abdul Malik ibn Umar. Donc pour l'ensemble de la bouche d'Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, il n'y a pas quelque chose qui vous approche du paradis et qui vous éloigne de l'enfer. Moi, je ne vous ai pas donc ordonné. Il n'y a pas quelque chose qui vous éloigne de l'enfer ou qui vous rapproche de l'enfer plutôt, qui vous rapproche de l'enfer et qui vous éloigne du paradis, dont je ne vous ai pas interdit. الحادث وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق آخر من طريق آخر عن ابن مسعود والبيهقي في شعب الإيمان كما في المشكات قال العلامة ابن القيم رحمه الله في تقرير هذا الأصل فرسالته صلى الله عليه وسلم كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. دوك L'Allama Ibn Qayyim, rahmallah, en statuant donc cette base, donc il dit, donc son message, sallallahu alayhi wa sallam, est complète et générale. Donc elle est complète et elle suffit, elle est générale. Donc, pas besoin d'aller donc, ailleurs. Il n'y a ici donc nul besoin d'aller voir autre que cela. Et la foi ne va pas se compléter que par le fait d'affirmer donc, la globalité de ce message. Et personne parmi les donc, personnes responsables, donc personne parmi les responsables ne peut sortir de ce message. On ne peut ressortir parmi les caractéristiques, les genres ou les types, parmi les types de vérité que la communauté a besoin, donc dans les sciences ainsi que dans les actes, donc de ce dont est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas sortir de cela. وَقَدْ تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَائِرٌ يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء حتى الآداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors que chaque battement d'aile d'un oiseau qui est dans les cieux a été bien sûr donc mentionné. Le Nabi sallam l'a mentionné, donc il a donné la science de cela à la communauté. Et il leur a enseigné chaque chose, même Donc, les bonnes façons ou bien les bienséances, parce que la personne fait ses besoins, ainsi que les bienséances dans l'accouplement, dans le fait de dormir, le fait de se lever, d'être et de s'asseoir, lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on monte donc sur une monture, lorsqu'on descend, lors du voyage, et en étant sédentaire, dans le fait de se taire, dans le fait de parler, dans le fait donc de rester donc à part, dans le fait en vérité de ne pas se mélanger, mais aussi dans le fait de se mélanger avec les personnes, lors de la richesse ou de la pauvreté, lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est malade, ainsi que dans toutes les règles de la vie et de la mort. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأى العين أو حتى يعني كأنه رأى العين. Il aura aussi mentionné de façon explicite le trône, le kursi, les anges, les djinns, le feu, le paradis, le jour dernier, de ce qu'il y a au point de façon au point où c'est comme si on le voyait donc en face de nous. وعرفهم معبودهم وإلههم تم التعريف حتى كأنه يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. Il aura donc fait connaître leur adoré, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et leur divinité, de la façon la plus complète. Au point où, c'est comme s'ils le voyaient subhanahu wa ta'ala, et qu'ils en étaient témoins. Par les attributs les plus complets, et les caractéristiques, donc, de sa grandeur subhanahu wa ta'ala. وَعَرَّفَهُمْ الْأَنْبِيَاءَ وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم. Il aura fait connaître aussi les envoyés ainsi que leur peuple et ce qu'il s'est passé donc dans ces époques et ce qui leur est arrivé. Donc c'est comme si ils étaient avec eux, comme si donc ils étaient témoins qu'ils vivaient donc à cette époque. وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. Il aura fait aussi connaître parmi les voies du bien et du mal, donc de façon spécifique, donc ce qui est donc vraiment de façon arrêtée ici, donc précise et aussi de façon générale, ce que aucun envoyé avant lui donc a fait. وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعفو به. نبي يعني غيره. Donc il aura fait connaître aussi parmi donc les cas et situations donc de la mort et de ce qu'il y a après la mort donc dans le monde du barzakh, le monde ainsi intermédiaire, et ce qu'il y arrive, c'est-à-dire ce que il y arrive parmi les grâces ainsi que le châtiment donc qui survient à l'âme et au corps ce qu'en réalité donc ce que un donc n'a pas en vérité, donc, ce que notre envoyé n'a pas ici mentionné. وَكَذَلِكَ عَرَّفَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّةِ وَالْمَعَادِ وَالرُّدِّ عَلَى جَمِعِ فِرَقِ الْأَهْلِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ مَا لَيْسَ لِمَنْ عَرَفَهُ حَاجَةٌ مِنْ بَعْدِهِ رَغْمَ إِلَّا إِلَى مَنْ يَبْرُغُهُ إِيَّاهُ وَيُبَيِّنُهُ وَيُوَضِّحُهُ وَيُوَضِّحُ مِنْهُ ما خفي عليه. Et il aura aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Donc montrer, c'est-à-dire montrer à la communauté, leur faire connaître les preuves, à travers les preuves de l'unicité et aussi de la prophétie. Et donc du retour, le ma'at, c'est aussi de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jour où on va revenir et qu'on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la réplique et réponse à toutes sept parmi les gens donc de la mécréance et de l'égarement. Donc, il a montré, donc ici, donc répondu aux gens, donc de la mécréance ainsi que les gens de l'égarement, ce qui est en réalité donc suffisant pour celui qui vient après. Sauf bien sûr ceux qui ne seraient pas, donc ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas su. Et qui n'a pas pu donc expliquer le fait que Allah donc ne l'a pas donné, ne l'a pas en vérité donc expliqué qu'il lui reste ceci ou cela. Wa kadhalika 'arafahum sallallahu alayhi wa sallam min makaid al-hurub wa liqa al-adu wa turuq an-nasr wa adh-dhafi ma law 'alimuhu wa 'aqiluhu wa ra'awhu haqqa ri'ayatihi lam yuqim aw lam yaqum in yuqim lahum 'aduun abada. Et ici, il leur a montré aussi, sallallahu alayhi wa sallam, donc les ruses, donc ici des guerres et de la rencontre des ennemis, ainsi que les voies qui amènent, donc au fait de vaincre, donc à la victoire, le fait donc d'acquérir cette victoire. Si réellement, donc les musulmans le savaient et méditaient sur cela, et prenaient soin à arriver à cela, de la meilleure façon, donc l'ennemi ne pourrait en réalité donc ne pourrait en vérité donc avoir le dessus. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره Mala mazida alayhi. Il leur a montré aussi, sallallahu alayhi wa sallam, de façon, donc, il leur a enseigné, il leur a montré, sallallahu alayhi wa sallam, donc, les ruses d'Iblis, ses façons de procéder, et comment il vient vers eux, et aussi, qu'est-ce qui protège, donc, les personnes de ces ruses, donc, c'est-à-dire ceux qui protègent, ceux qui vont pouvoir repousser, donc, son mal, ce dont on n'a pas besoin de rajouter en plus. Donc cela suffit. Il n'y a pas besoin en vérité de rajouter en plus par rapport à cela. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. Donc aussi, sallallahu alayhi wa sallam, donc nous a montré clairement, explicitement, donc, ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire c'est nos situations et nos cas. Donc, c'est-à-dire nos humeurs, ici. Donc, face à comment nous sommes, nos caractéristiques, et c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire ce qu'on contient, ce qu'on cache. Ce, donc en fait, on n'a pas besoin d'aller ailleurs, on n'a pas besoin de connaître par quelque chose d'autre ou par quelqu'un d'autre, cela. Et ça, c'est une réponse à ceux qui utilisent souvent, en plus dans les textes musulmans, donc justement dans des douloureux, qui veulent dire que l'homme, donc l'homme est comme ça parce que tel psychologue ou tel psychiatre l'a dit. Là, nous, on connaît l'homme à travers ce qu'Allah nous a dit et à travers ce que le prophète Mohammed sallam nous a donc enseigné. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. Et aussi, il leur a fait savoir, sallallahu alayhi wa sallam, donc, comment vivre ici, que si réellement on apprenait cela, on connaissait cela, et qu'on mettait en pratique, donc notre vie ici-bas serait droite. de la façon la plus complète, ou de la meilleure façon. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة. ولم يحوزهم الله إلا أحد سواه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Dans إعلام المواقعين. رحمة الله عليه. Donc c'est tout cela. Donc il est toujours de la parole d'Ibn al-Qayyim رحمة الله عليه. Donc de façon, donc, de façon générale, il est venu avec donc les biens de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et Allah Azza wa Jalla n'a rien omis dans le sens où tout donc est tout ici est fait pour que on a tout ce qu'on a besoin dans notre religion. On n'a pas besoin d'aller donc ailleurs que cela. On n'a pas besoin de rechercher quoi que ce soit ailleurs que dans notre religion. ولما قرر الشاطبي رحمه الله هذا الأصل ألزم من نظر في شريعتي بأمرين بناء على ما تقرر من كمال الدين. Et l'imam Shatibi رحمه الله lorsqu'il a statué aussi donc cette base, donc il ordonne celui qui regarde, celui donc qui jette un œil dans la législation, de deux choses. Et cela est bâti et basé à partir de ce qui va justement donc statuer le fait que la religion soit complète. Ahaduhuma an yanzura ilayha ay ash-shari'a bi'ayni al-kamali la bi'ayni an-nuqsan. Donc l'imam Shatibi rahimahullah statue ici qu'il faut donc regarder la législation. Donc d'un point de vue donc complet, non d'un point de vue qui est diminué. وَيَعْتَبِرُهَا اِعْتِبَارًا كُلِّيًا فِي الْعِبَادَةِ وَالْعَادَاتِ. Et qui le considère donc complet dans le domaine de l'adoration et dans le domaine de la vie d'ici-bas, c'est-à-dire dans le domaine de ce qui est permis. لَا يَخْرُجُ عَنْهَا الْبَتَّةِ. Donc que tout cela en vérité ne sort pas donc de cette charia. Il n'y a rien dans cela qui sorte de la dénomination de la charia. Et les annal khuruj anha yani dalal wa ramy fi imaya kayfa wa qad thabata kamaluha wa tamamuha. Et le fait de sortir de cela, ne serait-ce que, donc le fait de sortir de cela est égarement. Et en vérité, la personne se jette dans l'aveuglement. Et comment non? Alors que il est prouvé que cette charia est complète. فَالزَّائِدُ حُجَّتِهَا هُوَ الْمُبْتَدِعُ بِإِطْلَاقِ. Donc celui qui ajoute quelque chose dans ces textes-là, alors que tout cela, dans ces preuves-là, celui qui vient ajouter quoi que ce soit, dans ces preuves-là, est un niveau innovateur, donc bi'itlaq. Wal munharif an al-jadda ila bunayyat al-tariq. Donc il s'égare. Donc dans al-jadda, donc le fait d'être ici ferme et assidu vers donc les petits chemins, les chemins tortueux. Wa thani, deuxième point, ayuqina bi annahu la tadadu bayna ayati al-Qur'an wa la bayna akhbar an-nubuwah akhbar an-nabawiyya. Il faut qu'il soit certain, sûr, qu'il n'y a pas de contradiction entre les versets coraniques et entre les annonces prophétiques, c'est-à-dire les récits prophétiques. Voilà بين احدهما مع الاخر. Donc, ni, c'est-à-dire l'un envers l'autre. بل الجميع جار على مهيع واحد ومنظم الى معنى واحد. Que tout, donc ces textes-là, tous ces textes qui viennent du Coran, qui proviennent du Coran et de la Sunna, Donc, ici, donc, proviennent en vérité et ont le même sens. Donc, proviennent en vérité de la même source et ils ont le même sens. Il a un qal, fa amma al-amru al-awwal, fa huwa alladhi aghfalahu al-mubtadi'un, fa dakhala alayhi bisababi dhalika al-istidrak ala al-shara', l'i'tisam. Donc, il dit, jusqu'à la fin, là où il dit, et la première chose ici, c'est-à-dire le premier pas qu'on a mentionné, donc c'est ce dont les innovateurs ont été distraits. Donc, ils ont entré des nouvelles choses afin de quoi, en vérité, de vouloir compléter, de vouloir rajouter, en vérité, donc vouloir soi-disant compléter, embellir, on pourrait appeler ça donc, par plusieurs noms différents, donc la législation. Comme si il voulait dire qu'il avait un manquement. Barakallahu fikoum. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.